auras ton bateau blanc. C'est le bateau de ce qui reste des enfants. Le bateau de tes 15 ans te sauvera de ce monde arrangé pour les grands. Tu l'auras, ton bateau blanc, mais pour la voile, tu auras mis le temps. Il est là, ton bateau blanc, moi je le vois quitter le port, prendre le vent, t'emporter tout droit devant l'île au trésor, et là-bas tout au bout qui t'attend. C'était vrai, ton bateau blanc, même si tu n'y croyais pas vraiment, le voilà, ton bateau blanc, il va partir dans le soleil et dans le vent, comme au temps de tes 15 ans, quand il dansait sur le bord de tes rêves d'enfant. Il s'en va vers le beau temps. Emmène-moi, emmène-moi dedans.